tomber une fois et se relever. Une bolée de cidre, juste une promesse, suffisante pour lancer le moteur, briser les barrières de volonté. Alors que papa est sur le billard, ses femmes continuent la tournée afin de noyer leurs angoisses. Quittons la crêperie, mère et fille vont s'asseoir au bar du Mövenpick, à 2 minutes de là, et commandent des doubles whisky. Le soir, relativement euphoriques, elles sont de retour à la maison lorsque le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, le médecin de service leur explique que l'opération s'est bien passée. Le malade est hors de danger. Elles pourront lui rendre visite dès le lendemain. Quel soulagement! Il faut fêter ça! Maman descend piller la cave à vin du centre, sous l'œil complice de Faustine, en charge de remonter les bouteilles. Pendant toute la nuit, un verre en entraînant un autre, les deux femmes discutent. Elles évoquent la mort, bien sûr, mais aussi quelques traumatismes. Maman, désinhibée, raconte le drame qu'elle a vécu lorsqu'elle attendait son deuxième enfant. Faustine devait avoir dans les 3 ans. Au 6e mois de grossesse, alors qu'elle portait une lourde corbeille de linge, elle a senti un craquement sinistre dans son bas-ventre. Terrorisée à l'idée d'avoir fait du mal à son enfant, pire, de l'avoir handicapé, ce qu'elle n'aurait jamais supporté, elle a décidé de provoquer un avortement spontané. Elle a porté de lourdes charges, pris des bains trop chauds, s'est même jetée dans les escaliers. La manœuvre a si bien réussi que l'embryon s'est détaché et qu'elle a fini à l'hôpital. C'était un petit garçon. Les médecins de 1959, rigides et bien pensants, n'ont pas du tout apprécié. Impitoyables, ainsi que savent l'être certains bouchers en blouse blanche, ils l'ont puni d'un curetage sans anesthésie. Quand elle s'est retrouvée enceinte 2 ans plus tard, elle a beaucoup prié pour que ce nouvel enfant soit un fils. Il en allait de la survie de son couple. Elle était persuadée que papa ne l'aurait pas épousée par la suite si elle n'avait eu qu'une fille. Heureusement, Stéphane est arrivé, avec tous les attributs de la masculinité. L'honneur était sauf. À l'écoute de ce récit, Faustine saisit mieux, d'une part l'attachement de maman à son petit frère, et d'autre part son attitude vis-à-vis de Julien. Elle pensait que Faustine ne supporterait pas plus qu'elle l'idée d'avoir un enfant handicapé, en quoi elle se trompait lourdement. Mais comment aurait-elle pu comprendre la transformation qu'avait vécue Faustine si elle-même avait refusé l'épreuve? Le lendemain, le réveil est dur. Cela faisait longtemps que Faustine n'avait subi une telle gueule de bois. La jeune femme réalise qu'elle est sur la mauvaise pente et doit réagir au plus vite. Elle décide de se reprendre en main. Le soir même, elle retournera aux Alcooliques Anonymes après avoir accompagné maman au centre hospitalier. Cette fois, elle s'y rend en taxi. Pauvre papa, si pâle, si fragile sur son lit de soins intensifs. Maman ne peut s'empêcher de pleurer. Il est bardé de tuyaux, n'est pas en état de parler, mais ses yeux expriment son contentement de voir son épouse et de sentir le contact de sa main. Le médecin de service leur confie que s'il continue à si bien réagir, il pourra rejoindre une chambre commune d'ici quelques jours. En sortant de l'hôpital, Faustine fonce directement en séance AA. Le groupe lui fait bon accueil lorsqu'elle avoue sa rechute, ne pouvant s'empêcher de ressentir de l'injustice à devoir remettre le chronomètre à zéro alors qu'elle n'a rien bu pendant 18 mois. Faustine le clame haut et fort. Elle ne comprend pas pourquoi toute la salle éclate de rire. Il lui explique « Ce n'est pas en alcoolique que tu vas apprendre à faire la grimace. La sobriété absolue est la condition sine qua non du rétablissement. Si tous pensaient pareillement, personne ne se rétablirait. » Faustine finit par rire aussi. L'essentiel, c'est d'en sortir, n'est-ce pas? De retour au bureau, la jeune femme se détend. Ici, elle est en sécurité. On ignore tout de sa vie d'alcoolique. Ça lui facilite bien les choses pour se remettre sur les bons rails. Entre 2 tâches, Faustine observe l'avenue. Cela fait plusieurs jours qu'elle a remarqué une femme, plutôt jeune, pas vieille non plus, on lui donne dans les 35 à 40 ans, qui remonte lentement l'avenue en direction de l'hôpital. Lorsqu'elle repasse sous ses fenêtres quelques heures plus tard, la dame, très pâle, semble groggy. Faustine s'interroge. Service oncologie? Mais Zézé la réclame. Il faut prendre note, il faut taper, il faut s'extraire de sa rêverie. En après-midi, l'avocate appelle et annonce à la jeune femme que l'audience du tribunal pour le divorce est fixée au 29 avril, soit dans une petite semaine. Faustine ira seule, la présence d'une avocate à ses côtés n'étant pas requise. Tant mieux, cela coûtera moins cher. Joyce, l'amie américaine, téléphone dans la foulée en réponse à la dernière lettre reçue. Elle félicite Faustine d'avoir enfin réussi à s'arrêter de boire. Faustine rougit derrière le combiné, si elle savait comment les choses ont évolué. Pour noyer le poisson, elle décrit le tailleur pied de poule vert et rouge qu'elle s'est offert pour le grand jour du divorce. Joyce applaudit. Faustine aura l'air d'un million de dollars là-dedans. Faustine sourit. Quelle drôle de métaphore! Le 29 avril arrive enfin. Le soleil brille au diapason avec l'humeur ambiante. L'audience est fixée à 14 heures. Faustine arrive 5 minutes en avance seulement. Elle est passée prendre de l'argent pour payer les frais de tribunal. De loin, Maxime se précipite vers elle. Il ne savait pas qu'il devrait payer ses frais. Il arrive en direct de Paris. Il n'a pas d'argent suisse sur lui. Est-ce que Faustine voudrait bien lui prêter la somme? Il lui signe immédiatement un chèque de remboursement. Elle accepte, bien obligée, même si, connaissant le Lascar, elle a quelques doutes sur la validité du dit chèque. Que ne ferait-elle pas pour favoriser sa libération? Enfin, le couple passe devant la juge. Celle-ci se doit de leur demander s'ils confirment leur volonté de divorcer. « Oui, » répliquent les deux d'une seule voix. « Voilà, c'est tout. On vous enverra la copie du compte-rendu d'audience et l'extrait du jugement de divorce, entendu que votre avocate vous a renseigné sur les modalités effectives. » Le tout a duré 5 minutes chrono. « Bon, alors j'y vais, » dit Maxime à peine franchi la porte de l'imposant palais de justice. « Tout ça tombe bien, je vais pouvoir prendre un train plus tôt que prévu. »« Au revoir, » crie-t-il en courant vers la gare. Faustine se retrouve seule devant le palais de justice, sur la place de Montbenon. Elle aurait bien bu un café avec son ex pour fêter ça et constater sa déconfiture d'un peu plus près. Mais la vie en a manifestement décidé autrement. Elle ne le reverra jamais. Désormais, il ne lui reste plus qu'à attendre le pactole, les quelques dizaines de milliers de francs constituant sa part de la maison. Mais rien ne l'empêche d'en dépenser une petite partie tout de suite, non? En passant devant une vitrine avenue de la gare, elle repère une magnifique Jaguar d'occasion pour 70 000 francs. C'est marrant de penser qu'elle pourra bientôt se l'offrir si elle le souhaite. Dans le journal, elle scrute les prix des appartements à vendre. Mais hélas, une demi-maison française ne suffit même pas à financer un studio en Suisse. Ici, les prix sont multipliés par 4 pour le même produit. Il va falloir investir son argent autrement, ou le dépenser. Début mai, Zézé l'envoie en mission sur la Côte d'Azur. Il est grand temps qu'elle rencontre l'ensemble des collaborateurs avec lesquels elle est en contact régulier. Faustine ne comprend pas très bien ce qu'elle est supposée faire. Elle se sent tellement fragile, ça lui fiche la trouille d'imaginer qu'elle doit représenter son patron. Elle doute fort d'en être capable. Elle prend néanmoins son billet d'avion et prépare sa valise, sans oublier son maillot de bain. Y a-t-il un groupe AA à Sainte-Maxime? À Marseille-Marignane, personne ne l'attend à sa descente d'avion. Le collaborateur, supposé lui servir de chauffeur jusqu'à Aubagne, a une bonne heure de retard. Faustine n'a pas osé bouger du point rencontre de peur de le rater. Avec un grand sourire, il lui sert ses plus plates excuses et la conduit à son hôtel sans autre forme de procès. Le tenancier demande sa carte de crédit à la jeune femme afin de l'enregistrer. Or, elle n'en a pas. Voilà qui jette un froid. Ce n'est pas sérieux qu'une responsable suisse de la holding soit dans l'incapacité d'avancer des fonds pour sa chambre d'hôtel. On appelle Zizi en Suisse pour savoir qui va payer. Après tout, Faustine pourrait très bien être une usurpatrice. Évidemment, le patron est furieux de cette mauvaise image. Il hurle, mais rassure tout de même son émissaire. Il payera hôtel et restaurant. Merci de faire une avance. Faustine se fait insulter au passage. Mais est-ce son rôle de jouer la banquière? Qu'un directeur fasse une avance passe encore, mais une secrétaire. D'autant qu'elle est bien placée pour savoir que son patron hésite longuement avant de rembourser les notes de frais. Ce n'est pas avec son salaire qu'elle peut se le permettre, même si elle a été substantiellement augmentée. Sitôt que son chauffeur a tourné les talons, Faustine prend possession de sa chambre, se change et file à la piscine. Quelques longueurs plus tard, elle se fait servir un délicieux repas au restaurant. Elle lorgne un peu sur la bouteille de pouilly puissé qui figure à la carte. Mais non, ce n'est pas pour elle. Dommage, cela aurait bien accompagné le poisson. Tout le reste de la semaine, Faustine se sent en porte-à-faux. Elle est là pour faire connaissance avec les collaborateurs de la holding, mais elle ne sait pas du tout de quoi on parle. À Lausanne, elle manipule les chiffres. Cela reste abstrait. De plus, elle a l'impression qu'on se méfie d'elle. Bien sûr, elle reste aimable, surtout la secrétaire de direction de l'antenne d'Aubagne. Elle se plie en quatre pour plaire à Faustine, allant jusqu'à sacrifier sa pause déjeuner pour l'emmener magasiner dans les jolies ruelles. Quant aux hommes, sans se mouiller, ils se sont retirés dans leur bureau, remettant à plus tard le plaisir de la rencontre. Ils n'ont absolument pas l'intention de se laisser espionner par l'envoyé de la maison mère. Projetée sans préavis dans le monde opaque de l'immobilier, Faustine n'a pas les compétences requises pour faire valoir un quelconque droit de regard sur des opérations dont elle ignore la genèse. Venant de se faire engueuler par Zézé pour cette histoire de carte de crédit, elle n'ose pas l'appeler chez lui pour lui demander conseil. Comme il faut bien faire semblant de mériter son salaire tout en s'occupant un peu, Faustine initie les deux secrétaires présentes au mystère de Word 5. Ainsi, les deux bureaux seront synchronisés. En fin de journée, elle est invitée à un apéritif avec les collaborateurs. À sa grande déception, ceux-ci passent leur temps à dénigrer Zézé entre deux œillettes complices, tout en parlant championnat de France de football. Ici, on roule pour l'Olympique de Marseille, le club cher à Bernard Tapie. Ils ont payé leur place dans les tribunes à prix d'or et espèrent bien voir gagner leur équipe. Après quelques verres, ils en viennent aux confidences, racontent deux ou trois magouilles de leur cru, se moquent de plus en plus ouvertement de Zézé. Ils tentent surtout d'obtenir des informations confidentielles de la part de Faustine, qui, heureusement, n'en a pas. Elle préfère passer pour encore plus naïve plutôt que de trahir. Avant de l'abandonner devant son hôtel, il lui demande de faire en sorte qu'à l'avenir, leur note de frais soit remboursée un peu plus rapidement. Faustine, très choquée par ce manque de loyauté, promet tout ce qu'on veut et prend congé le plus rapidement possible. Dans la semaine, elle fera encore connaissance avec les responsables de Port Grimaud et de Sainte-Maxime, où elle a enfin l'occasion d'inspecter le chantier dont elle suit l'évolution. Elle aura une longue conversation avec la responsable d'agence de Port Grimaud qui la supplie de lui trouver du travail en Suisse. Faustine regardera, c'est promis. Enfin seule, au bord de la piscine, elle se demande ce qu'elle est venue faire là. Quelle bande de requins! Tu parles d'un voyage d'affaires! Le dernier jour, la collaboratrice responsable de la vente des appartements de Sainte-Maxime vient la récupérer à son hôtel pour l'amener à l'aéroport. Elle conduit une superbe voiture de sport, laquelle tombe en panne d'essence sur l'autoroute à 20 km de l'aéroport. Faustine est au bord de la panique, à l'idée de rater son avion. Les deux femmes risquent leur vie à slalomer entre des voitures lancées à toute vitesse pour passer de l'autre côté où par une chance extraordinaire se trouve un garage. Le temps de remplir un jerrycan et la Suissesse arrivera juste à temps à l'aéroport. De retour à Lausanne, Faustine tente de transmettre ses impressions à Zézé avec honnêteté. Mais il ne l'écoute pas. Pour lui, les collaborateurs qu'il a choisis sont parfaits, un point c'est tout. Faustine sent bien qu'il est encore sous le coup de l'humiliation ressentie d'être passé pour incompétent aux yeux de son collaborateur. Pour preuve, il se contente de l'assommer de se commander une carte de crédit au plus vite. Le fait que ça coûte de l'argent et que ce n'est pas lui qui paiera les frais bancaires ne semble pas du tout lui traverser l'esprit. Cerise sur le fiasco, il semble déçu que Faustine n'ait pas rempli sa mission correctement. Mais à quoi s'attendait-il exactement? Pensait-il sincèrement qu'une secrétaire, fût-elle de direction, saurait remplacer un chef d'entreprise au pied levé? Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance.